إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'étude de l'épître sur les prosternations de la distraction de l'éminent savant et Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur, la salutation avant l'accomplissement total de la prière. Ici l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, va évoquer une situation qui arrive très fréquemment. Et elle est même arrivée au meilleur des hommes, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des nombreuses preuves dont les gens de la Sunna se servent pour affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas l'adoration. Car il lui arrivait parfois d'oublier. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis qu'un homme comme vous et j'oublie tout comme vous oubliez. Donc lorsque j'oublie, rappelez-moi. » Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, a affirmé qu'il n'oublie pas, subhana. Il nous dit que Pharaon questionna Moussa alayhi salam au sujet des générations passées. Et Moussa répondit « Qala ilmuha inda rabbi fi kitab, la yadillu rabbi wa la yansa. » La connaissance de leurs œuvres est auprès de mon Seigneur, inscrite dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. Par conséquent, il faut vouer l'adoration à celui qui n'oublie pas. Toutefois, il est bon de rappeler un point très important, car certains pourraient se dire, s'il arrivait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'oublier, c'est fort probable qu'il ait omis de nous transmettre certaines choses de la révélation. Et ce raisonnement est caduque et certes très loin de la vérité. Car les savants de la sunna nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait oublier certaines choses, qui lui fut révélé. Toutefois, cet oubli se produisait après qu'il l'ait mémorisé et transmis aux gens, et non avant. Il est certes impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait oublié quelque chose de la révélation avant de l'avoir transmis. Et la preuve de cela réside dans le hadith de la mère des croyantes, Aïcha, Umm Abdillah, qu'Allah l'agrée. Elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit un homme réciter le Coran de nuit et dit « Qu'Allah lui fasse miséricorde, il m'a rappelé un verset que j'avais omis dans telle sourate. » Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Et dans une autre version du hadith, qui est rapporté par l'imam muslim uniquement, il dit « Qu'Allah lui fasse miséricorde, il m'a certes rappelé un verset qu'on m'avait fait oublier. » Et ces hadiths nous montrent que l'oubli s'est passé après la transmission, car cet homme n'aurait pas pu réciter ce verset si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas transmis. Ensuite, l'auteur nous dit: la salutation avant l'accomplissement total de la prière est considérée comme un ajout dans celle-ci. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, est d'avis que saluer avant l'accomplissement total de la prière est un ajout. Par exemple, une personne prie le Isha et salue à la fin de la deuxième unité. Selon Cheikh Al-Uthaymeen et un groupe de savants, cette personne a ajouté une salutation. Car lorsqu'il va se rendre compte qu'il lui manque deux unités, il va les accomplir et faire les salutations à la fin. Par conséquent, il aura fait les salutations deux fois. Donc ceci est l'avis du Cheikh, rahimahullah, ainsi que d'autres savants. Néanmoins, certains savants sont d'avis que ceci est considéré comme une diminution, car il a fait les salutations alors qu'il lui manquait des unités de prière. Toutefois, cette divergence n'a que peu d'importance, car comme nous l'avons mentionné dans le premier cours, les savants sont unanimes qu'il est permis d'accomplir les prosternations de la distraction avant ou après le salam. Ensuite, il dit: si le prieur l'effectue volontairement, sa prière est invalide. Si par oubli et au bout d'une longue période, le prieur se rend compte qu'il a effectué la salutation avant la fin de la prière, il doit alors la recommencer. Par contre, s'il s'en est rendu compte après une courte durée, comme 2 ou 3 minutes, il doit alors compléter sa prière, saluer, puis faire les prosternations de la distraction et de nouveau saluer. L'auteur nous dit ici que lorsque quelqu'un salue avant l'accomplissement total de la prière par oubli, il y a 2 cas de figure. Le premier est lorsqu'il s'en rend compte peu de temps après la prière. Dans ce cas, il devra juste prier le nombre d'unités manquantes et accomplir les prosternations de la distraction. Par exemple, imaginons que Abdullah prie le Asr et salue au bout de 3 unités. Puis une personne l'informe qu'il a oublié 1 unité. Lorsqu'il effectue ses Azkar, par exemple, ici Abdullah doit se lever, prier l'unité manquante et faire les prosternations de distraction. Le deuxième cas est lorsqu'il se rend compte longtemps après la prière. Dans ce cas, il faut recommencer la prière du début. Par exemple, imaginons que Imran prie le Isha et salue à la fin de la deuxième unité. Puis 3 heures plus tard, quelqu'un vient lui dire qu'il a oublié d'effectuer 2 unités de prière. Ici, il devra recommencer sa prière du début, car il s'est écoulé 3 heures depuis la fin de la prière. Et il se peut que quelqu'un se dise, Subhanallah, je me suis déjà trouvé dans le deuxième cas. C'est-à-dire que j'ai salué avant l'accomplissement total de la prière. Et je m'en suis rendu compte longtemps après la prière. Toutefois, je n'ai pas recommencé la prière du début. J'ai juste accompli les unités de prière manquantes et accompli les prosternations de distraction. Quel est le jugement de la prière dans ce cas? La réponse à cette question est que la prière est valide, Inch'Allah. Car selon certains savants, lorsque la personne se rappelle qu'il a salué avant l'accomplissement total de sa prière, il lui suffit simplement de prier les unités de prière manquantes et d'accomplir les prosternations de distraction. Que le temps entre le moment où il s'en rend compte et la fin de la prière soit court ou long. Et cet avis est celui qui fut rapporté de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et c'est également l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et lorsque les jurisconsultes sont confrontés à ce genre de situation, ils ont tendance à dire ce que nous avons mentionné précédemment. C'est-à-dire lorsqu'il y a deux avis sur un sujet du domaine de la jurisprudence et que le premier avis est prédominant et qu'une personne applique le deuxième avis sans savoir que le premier est plus juste. En général, ils vont dire que l'action est valide car c'est un avis connu et qu'il y a certains savants qui sont de cet avis. Néanmoins, il est plus sûr d'appliquer le premier avis, car il est plus juste. Prenons l'exemple de la récitation de Sourate al-Fatiha lorsqu'on prie derrière l'imam. Certains savants sont d'avis qu'il est obligatoire pour celui qui prie derrière l'imam de réciter la Fatiha à voix basse. Et ceci est l'avis le plus juste, Inch'Allahu Ta'ala. Tandis que d'autres sont d'avis que ce n'est pas obligatoire. Donc si une personne s'est basée sur l'avis que ce n'est pas une obligation, car il n'avait pas la connaissance de cet avis, puis par la suite, il apprend qu'il y a un avis selon lequel il est obligatoire de lire la Fatiha dans les prières à voix haute lorsqu'on prie avec l'imam. Les savants qui sont d'avis que c'est obligatoire vont lui dire que ses prières sont valides et ne vont pas le blâmer car ces deux avis sont basés sur des preuves. Et cette méthodologie nous montre clairement que ceux qui débattent sur les réseaux sociaux sur des sujets de jurisprudence dans lesquels les savants ont divergé et où la divergence est avérée, ne suivent pas la voie des savants, même s'ils prétendent le contraire. Surtout lorsqu'on sait que ces débats peuvent aller jusqu'au boycott, même jusqu'aux insultes parfois, même si certains adeptes de ces débats vont te dire « Nous ne faisons que faire le rappel » ou encore « Nous ne faisons que réprimander le blâmable » ou des paroles similaires qui ne sont qu'en vérité des ruses du shaitan pour faire tomber certains serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans des choses répréhensibles. Et ces paroles nous montrent que beaucoup de ceux qui s'adonnent à ce genre de débat n'ont que très peu étudié la science, pour ne pas dire pas du tout, et n'ont que très peu lu les livres des savants de la Sunna. Car si ce aurait été le cas, ils auraient su que les sujets où les savants ont divergé sont de deux catégories. La première catégorie est lorsque la divergence est faible. Et dans ce cas, il faut blâmer la personne qui commet cette action. Par exemple, le fait que certains vont considérer le jus qui devient enivrant licite. Et ceci contredit clairement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute boisson enivrante est illicite. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Par conséquent, si quelqu'un viendrait à boire ce genre de boisson, il faut le blâmer. Malgré qu'un savant est d'avis que ceci est licite. Car ici, la divergence n'est pas à prendre en considération. La deuxième catégorie est lorsque la divergence est forte. Dans ce cas, il n'y a pas de blâme. Mais plutôt, on doit discuter scientifiquement avec la personne et lui ramener les preuves. Et on va l'inviter à revoir sa position sur le sujet. Mais malheureusement, de nos jours, nous remarquons que certaines de nos sœurs, qu'Allah nous guide et les guide, s'adonnent à de nombreux débats sur les réseaux sociaux, dans des sujets du domaine de la jurisprudence, où les savants ont divergé et où la divergence est prise en considération. Et certaines d'entre elles vont même jusqu'à sortir certaines sœurs de la salafie sans preuve et sans argument tangible. Tandis que d'autres n'hésitent pas à dénigrer leurs sœurs fillah. Et tout ceci sont des choses blâmables, surtout lorsqu'on sait que ces débats sont liés à des sujets secondaires. Et le plus triste dans tout cela est que lorsque tu prêtes attention sur celles qui débattent, en général, tu trouveras qu'elles font preuve d'un dynamisme sans précédent dans ces débats. Mais malheureusement, tu ne trouveras pas cet engouement pour l'apprentissage de la science et parfois même dans l'éducation de leurs enfants. Souvent, tu constateras des manquements notoires dans les sciences religieuses de base. Lorsque des séminaires comme celui-ci sont organisés, elles ne vont pas y prêter d'intérêt. Néanmoins, elles vont donner un grand intérêt pour ces débats qui ne leur profiteront en rien, wallah. Que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, tu remarqueras parfois que certaines d'entre elles font preuve d'une hostilité inouïe envers certaines de leurs sœurs fillah. Mais malheureusement, tu ne retrouveras pas cela envers les gens de l'innovation et ceux qui ont contredit le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une calamité. Sachez, chers auditeurs, que le shaitan utilise toutes sortes de procédés pour écarter la femme musulmane de la science, comme le fait de lui faire perdre son temps dans des futilités, tout comme il utilise toutes sortes de procédés pour la faire tomber dans certains péchés, car il sait pertinemment qu'il sera difficile de faire tomber la femme musulmane qui a un certain degré de piété dans la fornication ou des péchés de cette envergure. De ce fait, il va parfois l'inciter à rentrer dans certains groupes de rappel pour pouvoir profiter de la science et pourquoi pas blâmer ce qui est répréhensible. Mais ce n'est que la première étape. Car la deuxième étape sera de l'inciter à passer beaucoup de temps dans ces groupes, ce qui aura pour but de l'écarter de la science profitable. Puis ensuite vient la troisième étape, qui est l'inciter à rentrer dans les débats, donner son avis, commenter, quitte à faire de l'injustice envers ses sœurs. Je conseille donc à mes sœurs en Allah d'être très vigilante et de se préoccuper de ce qui est primordial et essentiel, tel que l'éducation des enfants, l'étude de la science et sa mise en pratique, car c'est sur ce genre de choses qu'elles seront interrogées le jour du jugement, non pas sur est-ce qu'une telle mettait des djilbabs de couleur ou non. De même, je conseille à celles et à ceux qui se sont rendus coupables de ces agissements répréhensibles de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, car les portes du repentir sont ouvertes tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. L'imam Abu Daoud rapporte, ainsi que l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la hijra ne cessera que lorsque le repentir cessera, et le repentir ne cessera que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous informe que le repentir est certes une cause de réussite. Il dit Azza wa Jal: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah subhanahu wa ta'ala afin que vous réussissiez. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une science profitable et de nous écarter des troubles. Par la suite, l'auteur cite une preuve quant à saluer avant l'accomplissement total de la prière. Il dit, la preuve, le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mena la prière du Dhuhr ou du Asr et a salué au bout de 2 unités. Les personnes pressées sortirent de la mosquée en disant: la prière a été écourtée. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, se dirigea vers une grande pièce de bois située dans la mosquée et s'appuya dessus comme s'il était en colère. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentit qu'il s'était passé quelque chose et était tracassé. Donc ensuite, un homme se leva et dit: ô envoyé d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée? Donc cette phrase nous indique l'intelligence de cet homme, car il comprit de la situation que soit c'était un oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors qu'il s'agissait d'une diminution au niveau de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je n'ai pas oublié et la prière n'a pas été diminuée. Quant à la diminution de la prière, il répondit par la négative, car il ne reçut rien de la révélation en rapport avec cela. Quant à l'oubli, il répondit également par la négative, car selon lui, il n'avait pas oublié. L'homme dit alors: certes, tu as oublié, ô messager d'Allah. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam écarta le fait que la prière fût diminuée, l'homme fut en mesure d'affirmer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié. Et ceci nous montre encore l'intelligence de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors à ses compagnons: dit-il la vérité? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam répondirent oui. Donc on tire de cela la permission de vérifier l'authenticité de l'information d'une personne digne de confiance, surtout lorsqu'il s'agit d'une chose qui nous concerne. Malgré que l'information du digne de confiance est acceptée, il n'y a pas de mal à vérifier son authenticité. Quant à l'information du menteur, elle est certes rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 6 de sourate Les Appartements: Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ô vous qui croyez, Si un pervers vous apporte une nouvelle, faites preuve de circonspection. L'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans le tafsir de ce verset, l'information du menteur est rejetée. L'information du menteur est rejetée. Celle du digne de confiance est acceptée. Quant à celle du pervers, elle n'est ni acceptée, ni rejetée, mais il faut plutôt vérifier son authenticité. Donc on tire de ce hadith certains enseignements. Le premier enseignement est que sortir de la prière avant qu'elle ne soit complétée, en pensant qu'elle est complète, ne l'invalide pas. Et on la complète par la suite. Le deuxième enseignement est que les prosternations de distraction ne se multiplient pas, même si les motifs sont nombreux. Car dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est prosterné que deux fois. Et le troisième enseignement est le bon comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque l'homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'affirma rien avec certitude, mais il lui dit plutôt « Ô messager d'Allah, est-ce toi qui as oublié ou bien est-ce la prière qui a été diminuée ?» Et ceci est un comportement éminent. Avant de revenir à la parole de l'auteur, nous allons mentionner un sujet important. Car nous remarquons que dans le hadith précédent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam salua, fit les prosternations de la distraction et salua de nouveau, sans pour autant faire le tashahhud une deuxième fois. Car il fut dit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avança, termina le reste de la prière, puis salua, fit les prosternations de la distraction et salua de nouveau. Par conséquent, quelqu'un pourrait se demander, est-ce que lorsqu'on accomplit les prosternations de la distraction, il faut refaire le tashahhud une deuxième fois? En réponse à cette question, nous disons tout d'abord qu'il y a deux cas de figure. Le premier est lorsque les prosternations de distraction sont accomplies avant les salutations. Dans cette situation, les savants sont quasiment unanimes sur le fait qu'il faut faire le tashahhud une fois. Et la divergence dans ce sujet est faible. C'est-à-dire il faut faire le tashahhud, accomplir les prosternations de la distraction et saluer. Le deuxième cas est lorsque les prosternations de distraction sont accomplies après les salutations. Concernant cette situation, la divergence est forte. Certains savants sont d'avis qu'il faut faire le tashahhud deux fois. C'est-à-dire que selon eux, il faut faire le tashahhud, saluer, accomplir les prosternations de la distraction, faire le tashahhud une deuxième fois et saluer. Il se base sur le hadith de Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agré. Il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait la prière mais oublia. Il accomplit alors deux prosternations, puis prononça le tashahhud, puis salua. Ce hadith est authentique, excepté sa parole, puis prononça le tashahhud. Cette parole est jugée faible par certains savants, notamment Al-Hafiz ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ceci est l'avis le plus juste. Cette phrase n'est pas authentique. Par conséquent, celui qui accomplit les prosternations de distraction après les salutations ne doit faire le tashahhud qu'une fois. Et ceci est le sens apparent du hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, que l'auteur a mentionné. Ensuite, l'auteur nous dit, lorsque l'imam salue avant que la prière ne soit complète, alors qu'il y a des retardataires et qu'ils se sont levés pour terminer la prière, puis que l'imam se rappelle que sa prière est incomplète et se lève afin de la terminer. Alors ceux qui sont en train de rattraper ont le choix entre la terminer et ensuite faire les prosternations de la distraction ou bien suivre l'imam. Puis après qu'il est salué, accomplir le reste de la prière. Faire les prosternations de la distraction après la salutation et de nouveau saluer, le deuxième cas de figure est préférable et plus sûr. Ici, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit que dans le cas où l'imam salue avant la fin totale de la prière et que les retardataires se sont levés pour terminer la prière, puis que l'imam se rappelle que sa prière est incomplète et se lève afin de la terminer, il y a deux choix qui s'offrent à ceux qui sont en train de rattraper. Le premier choix est qu'il prie seul sans suivre l'imam. Puis ils devront accomplir les prosternations de distraction à la fin, dans le cas où ils étaient présents lors de l'oubli de l'imam. Et dans le cas où ils n'étaient pas présents lors de l'oubli de l'imam, ils n'auront pas à accomplir les prosternations de distraction. Le deuxième choix et qu'ils suivent l'imam une deuxième fois. Et dans le cas où l'imam a accompli les prosternations de distraction avant le salam, ils devront se prosterner avec l'imam. Car lorsqu'on est retardataire, on ne peut pas se lever pour finir sa prière avant que l'imam lui-même ne l'ait fini. Par conséquent, si l'imam accomplit les prosternations de distraction avant le salam, il faudra les accomplir avec lui. Et dans le cas où l'imam accomplit les prosternations après le salam, il faudra se lever pour accomplir le reste de la prière et à la fin, accomplir les deux prosternations de la distraction. Et selon l'auteur, le deuxième choix est préférable et plus sûr. Et quelqu'un pourrait se demander la raison pour laquelle il trouve ce choix préférable et plus sûr. La réponse à cette question est Allah subhanahu wa ta'ala le plus savant. Il est fort probable que l'auteur soit de cet avis, car ici le fidèle suit l'imam, tandis que dans l'autre choix, ce n'est pas le cas. C'est sûrement pour cela que le cheikh rahimahullah a préféré que les fidèles suivent l'imam au lieu qu'ils prient chacun de leur côté. Et il y a dans cela une indication que les grands savants préfèrent l'union à la division. En effet, parmi les caractéristiques des gens de la sunna est qu'ils appellent à l'union. Et ils se sont certes distingués des gens de l'innovation avec cette caractéristique.